Bonjour et bienvenue dans les Voix de la Science, le podcast qui te présente chaque mois le portrait d'une ou d'un scientifique au travers d'interviews rafraîchissantes. Parce que la science est plurielle et l'éducation fondamentale, on plonge ensemble dans un océan de parcours, métiers et profils scientifiques parfois atypiques, en tout cas variés. Je suis Béatrice Urba et ceci est la deuxième partie de l'interview avec Arnaud Bubeck. Bonjour Arnaud. Bonjour. Dans la première partie, on avait parlé de ton parcours scolaire, des deux masters que tu as effectués, de la thèse que tu effectues actuellement. Et donc, dans le labo de thèse où tu es, tu fais aussi des projets qui ne sont pas forcément liés directement à ta thèse. Oui, donc en fait, pour faire ma thèse de doctorat, donc je suis embauché en tant que chargé d'études dans le Centre européen d'études du diabète. Donc, je réalise en fait différentes projet voilà, dans cette optique pluridisciplinaire avec eux. Notamment, j'ai réalisé voilà, bah, des formations, par exemple. J'ai pu écrire des articles dans leur newsletter, dans des revues comme ça, un peu plus à destination plus médicale. Et j'ai aussi réalisé un projet en fait plus important qui est le fait de coordonner un ouvrage pluridisciplinaire sur le diabète. Ce projet, il a commencé en fait par une discussion avec un doctorant justement en biologie qui travaille dans ce centre, avec lequel en fait on discutait de nos thématiques de recherche et on se rendait compte qu'il y avait plusieurs points communs finalement. Et donc on a sollicité voilà, nos supérieurs pour leur dire ben, on aimerait peut-être écrire un article ensemble parce qu'on se rend compte qu'il y a des convergences entre nos domaines de recherche. Et là, ils se sont dit, bah oui, c'est bien, mais il manque encore ce sujet, on pourrait parler de ça, de ça, de ça. Et au fil de la discussion, on s'est dit que finalement, il faudrait carrément écrire un livre là-dessus. Moi, j'ai dit, bah d'accord, je veux bien le faire. Donc, je me suis emparé de ce projet. Et voilà, on a mis en place les choses, on a contacté des auteurs. J'ai d'abord fait un travail de recherche de différents chercheurs de différentes disciplines qui travaillaient sur cette thématique commune du diabète de type 2 pour leur demander s'ils seraient intéressés d'écrire un chapitre pour un ouvrage collectif. Et le projet, voilà, il s'est déroulé petit à petit et puis maintenant, il va normalement être publié cette année. C'est un projet qui a quand même duré très longtemps finalement, plus de 2 ans. Bon, il y a eu la pandémie et tout ça qui a évidemment complexifié tout. Puisqu'il y avait beaucoup d'auteurs qui étaient des professeurs d'université. Ils avaient un agenda qui était complètement chamboulé. Donc, pour faire à chaque fois contacter les auteurs, pour leur proposer une thématique, pour ensuite qu'ils nous renvoient quelque chose, pour qu'on le corrige, qu'on le relise, qu'on fasse les retours, etc., etc. Ça a pris un temps fou. Et finalement, voilà, on a abouti à ce résultat. Donc, c'est aussi un projet qui est pluridisciplinaire, mais qui mélange aussi des profils d'auteurs différents. Il y a des doctorants, des professeurs d'université, il y a des professionnels de terrain. C'est vraiment une approche assez originale finalement sur le diabète de type 2. Ok, donc actuellement c'est un livre qui est publié et qu'on peut acheter en librairie à la FNAC. Non, pas encore. Il va être publié cette année. On est encore en lien avec l'éditeur pour finaliser le projet. Ok, et vous avez déjà un titre? Normalement c'est « Regard croisé sur le diabète ». Ok, super. Et du coup, j'imagine que sur la couverture, il y aura le nom de tous les auteurs et autrices. Alors, normalement, il y aura écrit « Coordonné par Arnaud Bubeck et par Michel Pinget », donc qui est le directeur du Centre européen d'études du diabète. Et la liste des auteurs est à l'intérieur, donc il y a une vingtaine d'auteurs en tout, en sachant qu'il fallait à chaque fois trouver aussi 2 correcteurs par chapitre. Donc, ça fait énormément de personnes qui étaient impliquées au final. Et ça a fait, je sais pas, des centaines, voire des milliers de mails échangés. Et tout ça en plein milieu d'une thèse, en plein milieu d'une pandémie, bravo. C'est ça. C'est ça. Bah, c'était pas extrêmement chronophage, mais c'était une charge mentale très importante. Parce qu'il faut tout le temps, il y a tout le temps des choses à faire, il y a tout le temps des choses à penser. Parce qu'ils avaient plein de questions aussi sur ce qu'ils devaient écrire, etc. Donc il fallait lire leurs travaux, fallait les orienter. Ouais, c'était un travail assez important. Ouais. Et est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu aimerais refaire? Ouais, bah c'est quelque chose de très enrichissant parce que C'était un exercice qui demandait de la flexibilité dans le sens où il fallait lire les différents travaux. Bon, évidemment, je pouvais pas tout comprendre. On m'a aidé sur la partie, par exemple, les sciences dures. On a essayé aussi de vulgariser certains concepts pour essayer de que chacun puisse se les approprier aussi. C'était enrichissant parce qu'il fallait trouver justement des thématiques communes et ce qu'on a trouvé, par exemple, c'est le thème de la temporalité. Et on s'est rendu compte effectivement que le thème de la temporalité pouvait être transversal. Par exemple, au niveau de la biologie, au niveau des molécules, etc., le diabète, la maladie progresse à son propre rythme. Voilà, c'est le pancréas qui finit par se fatiguer, etc., à force d'une alimentation qui est trop sucrée et un manque d'activité physique régulière. Et la maladie progresse comme ça petit à petit. Il y a cette temporalité, mais qui n'est pas forcément la même que celle de l'apparition des symptômes. La maladie peut déjà être présente sans que les symptômes ne soient là. C'est une particularité du diabète. On peut être malade sans le savoir. Et une fois que les symptômes apparaissent, c'est déjà que la maladie a déjà bien progressé, en fait. Donc il y a déjà cette deux temporalités qui n'évoluent pas au même rythme. Ensuite, il y a la temporalité au niveau psychologique. C'est-à-dire qu'il y a la prise de conscience de la personne qu'elle est vraiment malade. Et ça, c'est aussi tout un processus où on passe par des phases de déni, d'acceptation, de rejet, etc. Même quand on a des symptômes, quand on sait qu'on est malade, on va pas forcément se soigner ou même juste avoir conscience vraiment qu'on est malade. Il y a des patients que j'ai interrogés qui me disaient, moi, le diabète, ça représente rien du tout. Ça rentre même pas en compte dans mon esprit. J'y pense jamais. Pourtant, je suis malade. Et ils reconnaissaient ce paradoxe. Ensuite, il y a la dynamique sociale. Là aussi, il y a un temps particulier. Quand on rentre, par exemple, dans un dispositif d'accompagnement sur l'activité physique, ben, ça prend du temps aussi de s'inscrire dedans, de faire des rencontres, au niveau de son corps aussi, d'inscrire en soi ses nouvelles routines, etc. Et il y a toute cette dynamique sociale aussi qui rentre en compte. Et si on remonte encore, il y a le niveau plus politique et plus sociétal, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va mettre en place, par exemple, au niveau des villes, pour que les villes soient plus accessibles pour des modes de déplacement actifs, à vélo ou même à pied. Il faut des grandes transformations, en fait, de nos modes de déplacement, de nos modes de consommation, qui là aussi, on rentre dans une autre temporalité qui est vraiment plus globale et plus profonde, mais qui est tout aussi importante. Donc voilà, on a trouvé cette thématique de la temporalité qui faisait vraiment le lien entre tout et qui nous permettait d'avancer, de créer des ponts entre les disciplines. Et vous avez construit le livre en fait autour de ce thème de temporalité Ouais. dans la maladie du diabète de type En 2. fait, on proposait à chaque auteur cette thématique de se l'approprier comme il le voulait et de la développer. On avait d'autres thématiques, par exemple la thématique de la communication aussi. Il y a des échanges qui se font, par exemple, inter des organes. Il y a une communication entre les organes qui se fait à travers des signaux, des messagers chimiques, etc. Et ces thématiques de la communication, elles se retrouvent là pareil à l'échelle psychologique, sociologique. Donc il y a le fait de fonctionner par thématiques transversales comme ça, c'est assez enrichissant, je trouve. Tu m'as aussi parlé d'une association dont tu fais partie. Eurocos, ouais. L'association Eurocos, c'est une association que j'ai découvert en fait pendant mon premier master, qui est là aussi une association assez originale qui regroupe des professionnels de santé, des chercheurs et des étudiants. Chaque année, on organise en fait un colloque qui sont les rencontres santé-société Georges Canguilhem à Strasbourg. Et toute l'année, en fait, on prépare ce colloque qui est chaque année sur une thématique différente. Donc, par exemple, on a abordé la santé des migrants, on a abordé les questions d'autonomie. Là, plus récemment, on a travaillé sur les jeunes et la pandémie. Et on a fait ça en 2020, à un moment où cette thématique n'était pas vraiment abordée dans le débat public. On a fait intervenir des personnes de terrain et aussi des chercheurs, et sur des choses que moi j'ai pu retrouver plus tard dans d'autres travaux. Le fait de faire intervenir des gens de terrain faisait que on avait ce retour direct en fait sur la situation des jeunes qui était très très inquiétante en fait par rapport à la pandémie, par rapport à tout ce qui est santé mentale, etc. Donc c'était vraiment enrichissant d'avoir ce regard-là et que ça pouvait nourrir aussi des thématiques de recherche On a fait aussi un questionnaire auprès des jeunes qui a produit aussi des résultats intéressants. Donc, on a cette flexibilité aussi dans cette association et à l'issue du colloque, eh ben, on produit aussi un livre avec tous les intervenants en fait du colloque. Donc, c'est une association vraiment originale et intéressante à plusieurs égards, mais notamment moi en tant qu'étudiant, en fait, ça m'a permis de m'inscrire dans un réseau d'acteurs qui était autour des thématiques de santé, voilà. Déjà d'avoir une certaine ouverture d'esprit, de rencontrer beaucoup de personnes que j'aurais pas pu rencontrer autrement, des professeurs d'université, des directeurs d'hôpitaux, et petit à petit de me faire connaître aussi dans ce milieu. C'est un peu un écosystème finalement. À Strasbourg, bah voilà, y a un écosystème autour des questions de santé. Quand on veut faire sa carrière ou se faire connaître, bah c'est bien de s'inscrire dans ce qui existe, que ce soit des associations, des entreprises privées ou publiques, et je pense que c'est important de faire ce travail aussi d'inscription dans les réseaux d'acteurs, dans une thématique dans laquelle on veut travailler. Et moi, j'étais assez surpris des retours et des échanges que j'ai pu avoir, où les gens étaient très sympas, et bah, c'est des gens que je continue de côtoyer aujourd'hui, et c'était très enrichissant. Et toi, comment est-ce que tu t'es investi dans cette association? Alors au début, en fait, j'ai commencé par participer aux réunions et à faire des comptes rendus de réunions. Donc tout au début, en fait, on avait participé à un premier colloque en tant qu'étudiant, tout simplement, parce que le colloque est gratuit pour les étudiants. Et ils avaient proposé, en fait, à trois étudiants de publier un texte dans leur ouvrage. Et ils avaient publié un de mes textes. Et donc ça m'avait vraiment valorisé en tant qu'étudiant. C'était la première fois que j'avais quelque chose qui était publié comme ça. Et ça m'a donné envie vraiment de m'investir plus. Et donc j'ai participé à toutes les réunions parce que ils font des réunions mensuelles. Et je produisais des comptes rendus de réunions. Petit à petit, voilà, j'ai participé aussi aux réflexions, j'ai apporté ma pierre à l'édifice. Aujourd'hui, je suis secrétaire de l'association. Donc voilà, je participe aussi à l'organisation des colloques. C'est un rôle assez actif que j'ai un peu mis entre parenthèses là maintenant parce que je suis vraiment plus dans la phase de rédaction de thèse, donc je suis quand même très très occupé. Mais au-delà de ça, c'était vraiment bien parce que il y a des moments de creux aussi dans la thèse, où on est un peu paumé, on sait pas trop où on va, etc. Et le fait d'avoir cet espace de réflexion, ça me permettait vraiment de juste réfléchir et travailler sur des thématiques annexes, mais qui m'apportaient aussi un peu de respiration intellectuelle. Et ça fait vraiment du bien. Et aussi dans le côté la thèse aussi, on est parfois un peu isolé. Et là, on rencontre d'autres personnes, on réfléchit ensemble, etc. Donc c'est très très stimulant. Ouais, donc actuellement tu es en train de terminer ta thèse, donc tu en es à la phase de rédaction qui est quand même une phase assez intense de la thèse. Il y a le livre dont tu nous as parlé tout à l'heure qui va être publié bientôt. Il y a cet asso dont tu fais partie aussi, donc même si tu as pris un peu de recul par rapport au travail que ça demande, ça fait beaucoup. Et à côté de ça, tu viens d'avoir un enfant. Comment est-ce que tu gères la balance entre famille et travail? Je regarde juste parce qu'il y a mon fils qui s'agite. Juste un peu. Justement. Je vois qu'il s'endort. Ouais, alors c'est assez paradoxal, mais c'est à la fois une contrainte et une aide, dans le sens où, en fait, j'ai une gestion du temps qui est vraiment différente. Je pense que quand on fait sa thèse et qu'on a tout le temps devant soi, ou on pense qu'on a tout le temps devant soi, ça peut être un piège. Dans le sens où on ne sait pas comment prioriser les choses, on n'arrive pas vraiment à gérer son temps, on se disperse en étudiant plein de trucs qui sont certes intéressants, mais qui ne vont pas avancer concrètement les choses. Moi, j'ai cette contrainte que mon fils que je dépose à la crèche le matin et que je récupère le soir, et entre les deux, il faut qu'il se passe quelque chose. Donc, j'ai pas le choix, j'ai ce temps où je peux pas me mentir à moi-même. C'est à la fois une contrainte, mais c'est une opportunité aussi. C'est vraiment paradoxal, mais après, c'est aussi le travail de thèse. Je trouve c'est important de le prendre comme un travail comme les autres, finalement. On peut avoir des horaires de bureau de 9 h à 5 h. On essaie de produire des choses et de prioriser son temps. Moi, j'essaie d'avancer le plus concrètement possible là, sur la rédaction, en me fixant des objectifs aussi à court et moyen terme, en termes de nombre de pages écrites, de... Ah. On l'a Ouais. entendu. On va s'arrêter là et déjà merci beaucoup. Bah, je t'en prie. Merci à Arnaud d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui et d'avoir répondu à nos questions. On rappelle que vous pouvez le retrouver sur LinkedIn. Quant à moi, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et éventuelles questions sur Twitter, Instagram ou par mail. Nos coordonnées sont, comme d'habitude, dans la description de cet épisode. À bientôt!